Hallelujah. Alléluia. Turn with me now to Matthew 24. Tournez avec moi à Matthieu 24. He says, il dit, there will be famines and earthquakes in various places. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre dans différents endroits. There will be famines and earthquakes in various places. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre en différents endroits. That's very big right there. Ça, c'est très grand. Écrivez-le. I went to Chile, January 2009. Je suis aussi allé au Chili en janvier 2009. Santiago, in fact, I even went all the way to Concepción. Santiago, en fait, je suis même allé jusqu'à Concepción. Concepción, Chile. Concepción, Chili. That is the end of the earth almost. Ça, c'est presque le bout du monde. When you look at South America now, that's the end there. Quand vous voyez l'Amérique du Sud, c'est la fin ici. January 2009. Janvier 2009. And I said, et j'ai dit, repent, Chile. Repends-toi, Chili. Repent the church in Chile. Que l'église du Chili se repente. Otherwise, there is a historic aspect. He will shake you. Autrement, il va y avoir un tremblement de terre historique qui va vous secouer. And I also went on TVN. Et je suis aussi allé à la TVN. Télévision nationale de Chile. Télévision nationale du Chili. TVN. TVN. Which is a global television. Qui est une télévision globale. Six continents receive them. Six continents les reçoivent. And I went to the program called Open Doors. Et je suis allé sur le programme appelé Portes Ouvertes. Puertas abiertas, Open Doors. Portes Ouvertes. And I said, alors, nous nous sommes assis là, et j'ai dit, there is a historic earthquake coming here, he will shake this land. Il y a un tremblement de terre historique qui est en train de venir ici. Il va secouer ce pays. Unless they repent. À moins qu'ils ne se repentent. January 2009. En janvier 2009. Come February 2010. Ensuite est venu février 2010. February 27th at exactly 3:34 a.m. in the morning. Le 27 février à exactement 3h34 du matin, the most historic earthquake of magnitude 8.8 struck Chile. Le plus historique tremblement de terre d'une magnitude de 8.8 a frappé le Chili. In fact, it was so big. En fait, c'était si grand that the scientists said the earth tilted. Que les scientifiques ont dit la terre a basculé. And the days were shortened. Et les jours étaient raccourcis. Permanently, the days have been shortened. D'une façon permanente, les jours ont été raccourcis. He said, il a dit, in the Olivet prophecy, he said, dans la prophétie Olivet, il a dit, there will be famines and earthquakes in various places, not everywhere. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, non pas partout. Various. Divers. Various means many, but not everywhere. Divers signifie beaucoup, mais pas partout. Various. Divers. They're quite various. Many. Divers, plusieurs, but not everywhere. Mais pas partout. But many. Mais beaucoup. I went to Australia. Je suis allé en Australie. And I was standing in Brisbane. Et j'étais debout à Brisbane. I was standing there and then I said, look. J'étais debout là et j'ai dit, regardez. There is an earthquake coming. Il y a un tremblement de terre qui vient. But it is going to devastate the island next, which is New Zealand. Et ça va dévaster l'île proche qui est la Nouvelle-Zélande. Oh, that is amazing. Ça, c'est étonnant. How can you be on one continent? Comment pouvez-vous être dans un continent? And then you say an earthquake is coming here, but will devastate the ocean, devastate this one. Et ensuite vous dites, un tremblement de terre va venir qui va dévaster la Nouvelle-Zélande qui est de l'autre côté de l'océan. How can you be that specific? Comment pouvez-vous être tellement spécifique? Then when I was in Kisumu, I gave the same prophecy. Ensuite, quand j'étais à Kisumu, j'ai obtenu la même prophétie. But at that meeting, mais à ce rassemblement, I said there's an earthquake coming to Australia. J'ai dit qu'il y avait un tremblement de terre en train de venir sur l'Australie, but it will devastate the island next, which is New Zealand. Mais qu'il va dévaster l'île qui est proche, qui est la Nouvelle-Zélande. Look at the earthquake that struck New Zealand. Regarde le tremblement de terre qui a porté un coup à la Nouvelle-Zélande and devastated hundreds of thousands of homes. Et a dévasté 100 000 homes. I went to Venezuela. Je suis allé au Venezuela. And I was in city of Puerto Ordaz. Et j'étais dans la ville de Puerto Ordaz. And I said that the Lord had shown me an earthquake. Et j'ai dit que le Seigneur m'a montré un tremblement de terre. And the earthquake, I told them that in that vision, et le tremblement de terre, je leur ai dit que dans cette vision, the Lord showed me, he wrote for me in the sky. Le Seigneur m'a montré, il a écrit pour moi dans le ciel. You should know how the Lord speaks to his servant. Vous devriez savoir comment le Seigneur parle à son serviteur. He wrote for me in the sky. Il a écrit pour moi dans le ciel. And he wrote this, the great north earthquake. Et il a écrit, il a dit, le grand tremblement de terre du nord. And I was standing in Venezuela. Et j'étais debout au Venezuela. Then I said, it will begin from Central America, head to the north. Et j'ai dit, ça va commencer de l'Amérique centrale allant au nord. March 19th, March 20th, 2010. Le 19 mars et le 20 mars 2010. When I came here, it was April. Quand je suis venu ici, c'était en avril. April 4th, it was Sunday. Le 4 avril, c'était dimanche. Then I was telling you what the Lord has said on the other side of the Atlantic. Et j'étais en train de vous dire ce que le Seigneur a dit de l'autre côté de l'Atlantique. That there is a great north earthquake coming. Il y a un grand tremblement de terre au nord en train de venir. April 4th. Le 4 avril. When I went back home, quand je suis revenu à la maison, that was Sunday, April 4th. C'était dimanche le 4 avril. When I went back home, quand je suis revenu à la maison, in the night, dans la nuit, when I tuned on CNN, quand j'ai regardé CNN, at 3 a.m. breaking news. À 3 heures du matin, des nouvelles choquantes. A massive earthquake has hit from Mexico, Mexicali, Arizona, Nevada, California. It went north. Un massif tremblement de terre a frappé le Mexique, Mexicali, Arizona, Nevada, la Californie. Ça allait au nord. It's as if the newsman repeated my words. C'était comme si l'homme des nouvelles répétait mes mots. God is not a joke. Dieu n'est pas une plaisanterie. In 2 weeks when I gave that prophecy in Venezuela. En 2 semaines, quand j'ai reçu cette prophétie au Venezuela, 2 weeks fulfilled. 2 semaines pour être accomplies. That tells you, he is saying, look. Ça vous dit, il est en train de dire, regardez. That is my messenger. Listen to him. Ça c'est mon messager. Écoutez-le. When he says an earthquake is coming and it happens, you should be worried. Quand il a dit un tremblement de terre est en train de venir et que ça arrive, vous devez être en souci. Because he is also saying the Messiah is coming. Parce qu'il dit aussi le Messie est en train de venir. Which means it will one day happen. Ce qui signifie, ça va arriver un jour. God has not sent me here to fool around with you. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour perdre mon temps avec vous. Excuse me. Excusez-moi. Somebody died on the cross. Quelqu'un est mort sur la croix. A devil laughed. Et le diable a ri. And right now he sees the way the devil is eating the church and is grieving. Et juste maintenant, il voit la manière dont le diable est en train de manger l'église et il est en train d'être désolé. And he knows that if you don't repent, et il sait que si vous ne vous repentez pas and walk in righteousness, et ne marchez pas dans la justice, you will not enter. Vous n'entrerez pas. That's why he sent me. C'est pourquoi il m'a envoyé. With a lot of power. Avec beaucoup de pouvoir. Excuse me. Excusez-moi. Make no mistake. Ne faites pas de faute. Make no mistake. Ne faites pas de faute. Don't fool around. Ne perdez pas votre temps. I know you have received other people teaching other things. Je sais que vous avez reçu d'autres personnes enseignant d'autres choses. But this is about the coming of the king. Mais ceci est à propos de la venue du roi. There will be a righteous church. Il y aura une église juste. The reason these prophecies are fulfilled, sharp. La raison pour laquelle ces prophéties sont accomplies, tranchant. In 2 weeks when I get that prophecy in Venezuela. En 2 semaines, quand j'ai reçu cette prophétie au Venezuela, 2 weeks fulfilled. 2 semaines pour être accomplies. That tells you, he is saying, look. Ça vous dit, il est en train de dire, regardez. That is my messenger. Listen to him. Ça c'est mon messager, écoutez-le. When he says, an earthquake is coming and it happens, you should be worried. Quand il a dit, un tremblement de terre est en train de venir et que ça arrive, vous devez être en souci. Because he is also saying the Messiah is coming. Parce qu'il dit aussi, le Messie est en train de venir. Which means it will one day happen. Ce qui signifie, ça va arriver un jour. The Olivet prophecy, the third one said, la prophétie Olivette, la troisième, a dit, there will be famines and earthquakes in various places. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre en plusieurs endroits. Now you understand why I am going all over the world prophesying earthquakes and they happen very accurate. Maintenant vous comprenez pourquoi je suis en train d'aller partout dans le monde prophétisant des tremblements de terre et ils arrivent très ponctuellement. Another earthquake that has not happened is the Great South earthquake. Un autre tremblement de terre qui n'est pas arrivé est le grand tremblement de terre au sud. It will start from Central America and head south. Ça va commencer en Amérique centrale et aller au sud. He said, il a dit, in the third item, there would be famines and earthquakes. Dans le troisième item, il y aura des famines et des tremblements de terre. For me, I have begun with the earthquake. Pour moi, j'ai commencé avec les tremblements de terre. That is the third item. Ça, c'est le troisième item. The first one is deception. Le premier est la déception. Second one, bloodshed. Le deuxième, des effusions de sang. Third one is earthquake. Le troisième est les tremblements de terre. Now the fourth one is famine. Maintenant, le quatrième, c'est la famine. Now we are entering deeper and deeper. Maintenant, nous sommes en train d'entrer de plus en plus profondément into the Olivet prophecy. Dans la prophétie Olivette. Pastors, you'll be stunned. Pasteur, vous allez être abasourdi. You'll be shocked. Vous allez être choqué. Everybody. Tout le monde. What did I start with? Avec quoi est-ce que j'ai commencé? I started with the vision of the black horse. J'ai commencé avec la vision du cheval noir. And I said the global economic crisis. Et j'ai dit les crises économiques globales. And in less than 2 months, it was fulfilled. Et en moins de 2 mois, c'était accompli. Until today. Jusqu'à aujourd'hui. The UK is cutting their budget. Le Royaume-Uni coupant son budget. Greece, the economy collapsed. En Grèce, L'économie s'est effondrée. Everywhere, Belgium, Portugal, France, everybody. Partout, en Belgique, au Portugal, en France, tout le monde. Even Kenya was affected, no tourists came. Et même le Kenya a été affecté. Il n'y a pas eu de touristes qui sont venus. And they say stimulus package. Et ils disent un paquet stimulant. Stimulus package, everybody. Un paquet stimulant, tout le monde. Stimulus package. Un paquet stimulant. Probably one of the biggest prophecies I've ever given. Probablement la plus grande prophétie qui a jamais été donnée. That affected the whole earth. Qui a affecté toute la terre. Is the prophecy of the coming of the global economic crisis. C'est la prophétie de la venue des crises économiques globales. Now listen to this. Maintenant, écoutez-moi. When you go to work, quand vous allez travailler, you go to work that you bring bread on the table. Vous allez au travail pour apporter le pain sur la table. When people lost their jobs, quand les gens perdent leur travail, and famine came even by drought, quand la famine vient même par la sécheresse, we witnessed in Kenya families eating rats. On a témoigné au Kenya que des familles mangent des rats. We saw people eating dogs in Kenya. Nous avons vu des gens manger des chiens au Kenya. I'm talking to you just on Kenya. Je vous parle juste à propos du Kenya. I'm not even sharing with you about what I know about the world out there. Je ne vais même pas partager avec vous ce que je sais à propos du monde ailleurs. I'm talking about the Kenyan experience. Je parle à propos de l'expérience kenyane. You have seen people eating dogs, rats, wild berries. Vous avez vu des gens manger des chiens, des rats, des baies sauvages. Fulfilled. Accompli. Now you understand why I prophesied it. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai prophétisé cela. I am moving on, precious people. Je vais plus loin, précieux peuple. When Jesus was giving the Olivet prophecy. Quand Jésus était en train de donner la prophétie Olivette, and I said, you will not get this anywhere else. Et j'ai dit, vous ne l'aurez pas nulle part ailleurs. I can tell you for sure. Je peux vous dire pour sûr. Only the Lord can release this. Seul le Seigneur peut sortir ceci. And you see why I said so. Et vous verrez pourquoi j'ai dit cela. He continued to say, il continue à dire, verse 8, he says, verset 8, il dit, all these are the beginnings of bad pain. Tout ceci, ce sont le commencement des douleurs de l'enfantement. Now he introduces, look, maintenant, il introduit, regardez, he introduces bad pain. Il a introduit les douleurs de l'enfantement. It was very common. C'était très commun for the Hebrew teachers. Pour les enseignants hébreux, for the Jewish teachers, pour les enseignants juifs, to relate this stress with the bad pain of a mother. De relater la pression des douleurs de l'enfantement d'une mère. And he says, et il dit, all these, tout ça, are just but the beginnings. Ce sont juste le début. Oh, that is so much wisdom, right? Oh, ça c'est tellement de sagesse. Oui, juste. There is a lot of opening right there for you, revelation. Il y a beaucoup ouvert ici pour vous. Une révélation. Meaning, signifiant, if it's just the beginning, si c'est juste le commencement, which means there will be the center of this bad pain. Ce qui signifie qu'il va y avoir un centre de ces douleurs de l'enfantement. We are going to enter in this bad pain proper. Nous allons entrer proprement dans ces douleurs de l'enfantement. But listen to this. Mais écoutez ceci. He says, il dit, the deception that he mentioned, la déception qu'il mentionne, the wars, les guerres, bloodshed, les effusions de sang he mentioned, qu'il a mentionné, the earthquakes he mentioned, les tremblements de terre qu'il a mentionné, the famines and global recession he mentioned, les famines et les globales récessions qu'il a mentionnées, they are just the beginnings of back pain. Ce sont juste le commencement des douleurs de l'enfantement. Which means time is going to come when they will worsen. Le temps va arriver où elles vont s'aggraver. Let me give you a glimpse before I go forward. Laissez-moi vous donner une lueur avant que j'aille plus loin. Look. Regardez. When deception comes. Quand la déception vient. Who is the king of deception? Qui est le roi de la déception? The devil. Le diable. And then. Et ensuite. When is the grand deception? Quand est la grande déception? During the tribulation, right? Pendant la tribulation, juste. When he will put an abomination here for people to worship. Quand il aura mis une abomination ici pour que les gens l'adorent. He will deceive them to worship that. Il veut les tromper pour qu'ils adorent cela. So now you can understand. Mais maintenant, vous pouvez comprendre. You can understand. Vous pouvez comprendre. He's saying, il dit, these are the signs of what is to come there. Ce sont les signes qui annoncent ce qui va venir ici. But there is a message at the junction here that I want to bring you to. Mais il y a un message à la jonction ici que je désire vous apporter aussi. And he says on that, and you will be handed over to be persecuted. Verse 9. Et il dit que vous allez être livrés pour être persécutés. Le verset 9. Then you will be handed over. Et vous allez être livrés to be persecuted and put to death. Pour être persécuté et mis à mort. And you will be hated by the nations because of me. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Verse 10. Et verset 10. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. And many false prophets will appear and deceive many people. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils décevront beaucoup de gens. I want to stop there for now. Je désire m'arrêter maintenant. Just bit by bit for you. Morceau par morceau pour vous. Bit by bit, so we may bite and be able to chew. Morceau par morceau, alors vous pouvez le mordre et être capable de mâcher. Listen to this. Écoutez ceci. So I can break it down for you. Et comme ça, je peux en venir à bout pour vous. He says, il dit, there will be persecution, that's obvious. Il dit qu'il y aura des persécutions, c'est évident. But listen to what he says. Mais écoutez ce qu'il dit. He says, il dit, because of the increase of wickedness. Parce que l'iniquité se sera accrue. So one of the other factors you want to write down there. Increased wickedness. Alors, un des autres facteurs, vous désirez l'écrire là, l'inimitié accrue. There will be an increased wickedness. Il va y avoir un accroissement de l'iniquité. He says, il dit, there will be increased wickedness. Il va y avoir une iniquité accrue. Increased evil. Du mal accru. And then he says, et ensuite il dit, because of the increased evil, something will happen to the church. Parce que le mal sera accru, quelque chose va arriver à l'église. There will be the falling away from true faith. Ils vont se détourner de la vraie foi. He said, there will be apostasy. Il a dit, il y aura de l'apostasie. Apostasy means falling away from true faith. L'apostasie signifie se détourner de la vraie foi. Step by step. Pas à pas. And when we will get the book of Revelation. Et quand on prendra le livre de l'Apocalypse. That's when you'll be stunned. Ça, c'est quand vous allez être abasourdi. Because it will be translated for you into real time today. Parce que ça va être traduit pour vous dans un temps réel, aujourd'hui. He says, there will be the falling away from true faith. Il dit, il y aura un détournement de la vraie foi. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? That means, ça signifie, there will be false Christianity. il y aura une fausse chrétienté. You did not hear me. Vous ne m'avez pas entendu. He said, il a dit, one of the signs before I come, un des signes avant que je vienne, will be that there will be a lot of false Christianity. Ça va être beaucoup de fausses christianités. The falling away from true faith. De se détourner de la vraie foi. True faith, you are you should know how Luke puts it. La vraie foi, vous devriez savoir comment Luc en a parlé. The true faith, the road Jesus showed you is this. La vraie foi, le chemin, Jésus vous l'a montré, c'est ceci. And you are walking here. Et vous êtes en train de marcher ici. And when you fall away from true faith, et quand vous vous détournez de la vraie foi, Luke says, led astray. Luc dit, être égaré. Which means taking another route. Ce qui signifie prendre une autre route. Your destination is different. Votre destination est différente. He says, il dit, there will be the falling away from true faith. Il y aura un détournement de la véritable foi. There will be apostasy. Il y aura de l'apostasie. Which means, ce qui signifie, there will be false Christianity. Il y aura un faux christianisme. False salvation. Un faux salut. But how can it be false? Et comment ça peut être faux? How can Christianity be false? Comment est-ce que le christianisme peut être faux? Isn't that the question? C'est une question. I think, je pense. To me, that's the most important question. Pour moi, c'est la question la plus importante. How can people who have received the Lord now be told that look, your Christianity is false? How? Comment des gens qui ont reçu le Seigneur, maintenant on leur dit, regarde, ton christianisme est faux. Comment? Listen. Écoutez. The salvation Jesus brought is holy. Le salut que Jésus a apporté, c'est la sainteté. When you see the church, quand vous voyez l'église, and Christians now turning away from holiness, et des chrétiens maintenant qui s'en vont de la sainteté, that is the false Christianity. Ça c'est le faux christianisme. It is an evil form of Christianity. C'est une forme mauvaise de christianisme. But I don't want to supersede myself, to short-circuit myself. Je ne désire pas me supplanter moi-même, me circuiter moi-même. To short-circuit, I want to go step by step. Me circuiter, je veux aller pas à pas. And then he says, et ensuite il dit, verse 11, he says, many false prophets will appear and deceive many. That is obvious. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est évident. False prophets, write it there. False prophets. Des faux prophètes, écrivez-le. That's another sign. Ça c'est un autre signe. Because time will come. Parce que le temps va venir. When you will cry. Où vous allez pleurer. You say, oh. Vous direz, oh. And he says, et il dit, false Christianity. Le faux christianisme will enter the church. Va entrer dans l'église. And he went on to say, et ensuite il a dit, that false prophets will be in the church. Que des faux prophètes vont être dans l'église. But that one is obvious. Mais celui-ci, c'est évident. That one is obvious. Celui-ci, c'est évident. That one is obvious. Celui-ci est évident. That one is open. Celui-ci est ouvert. Let me tell you why. Laissez-moi vous dire pourquoi. That one is obvious. Celui-ci est évident. You people sitting here, vous, le peuple assis ici, you have seen false prophets in the church. Vous avez vu des faux prophètes dans l'église. Almost all of you. Presque tous parmi vous. Because when God sends a prophet, parce que quand Dieu envoie un prophète, those are some little points, if you are making main points, little point at the side. Ça ce sont des petits points. Si vous avez un point important, Inscrivez-le dans la marge. False prophets or prophecy, whatever. Faux prophète ou prophétie, quoi que ce soit. When God sends you a servant, quand Dieu vous envoie, vous, en tant que serviteur, that servant, ce serviteur, everything he says, tout ce qu'il dit, must be found in the Bible. Doit être trouvé dans la Bible. Now you're writing small points. Maintenant, vous êtes en train d'écrire un petit point. The message of God, or the messengers of God. Le message de Dieu ou le messager de Dieu. One Bible based. Un, basé sur la Bible. Two, like that, you know? Deux, comme ça. Everything he says, you must find in the Bible. Tout ce qu'il dit, vous devez le trouver dans la Bible. All his visions must line up with scripture. Toutes ses visions doivent être alignées avec les Écritures. If they don't line up with scripture, God has not spoken. Si elles ne sont pas alignées avec les Écritures, Dieu n'a pas parlé. The other point about the prophets or the messenger or the message of God, whatever way. L'autre point à propos du prophète, du messager ou du message de Dieu, quel que ce soit, every time the Lord speaks, chaque fois que le Seigneur parle or sends a messenger, ou envoie un messager, everything he says, tout ce qu'il dit must always centralize holiness in the church. Doit toujours être centré sur la sainteté dans l'Église. Another small point there is centralize holiness. Notre petit point, c'est centraliser la sainteté. Never ever will you be lied to again. Jamais vous n'allez encore être déçu. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. Never ever. Plus jamais. Now you can question. Maintenant, vous pouvez questionner. You can now ask. Vous pouvez demander maintenant. When God sends a prophet, quand Dieu envoie le prophète, everything he says, tout ce qu'il dit must always be about the coming Messiah. Doit toujours être à propos de la venue du Messie. The king, he is the king. Le roi, il est le roi. Message must be about the coming king. Le message doit être à propos de la venue du roi. The coming Messiah. La venue du Messie. Another point. Un autre point. When God sends you a prophet, quand Dieu vous envoie un prophète, everything he says, tout ce qu'il dit must always rebuke sin. Doit toujours réprouver le péché. Hey, we are beginning to communicate now. Nous commençons à communiquer maintenant. We will communicate today. Nous voulons communiquer aujourd'hui. You go to those conferences of yours and they say, let us take a quick seed. Vous allez à ces conférences et ils disent, prenons une graine rapide. Let's take a quick offering here. Prenons une offrande rapide ici. Let's sow a seed into this ministry. Semons une graine pour ce ministère. Let's forget about that. Oubliez à propos de cela. That is something else. Ça, c'est quelque chose d'autre. I am talking about the kingdom of God Almighty. Je suis en train de parler du royaume du Dieu puissant. And how you can enter. Et comment vous pouvez entrer. The other things, you can play them out there. Les autres choses, vous pouvez les jouer dehors. But I'm talking about the king. Mais je parle à propos du roi. And his kingdom. Et son royaume. And he's coming. Et sa venue. Where? When God sends a prophet, quand Dieu envoie un prophète, he will never build the kingdom of man in the church. Il ne veut jamais construire le royaume de l'homme dans l'église. Never. Jamais. Never ever. Plus jamais. He will always be occupied, the Messiah, Il veut toujours s'occuper du Messie. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. The king is coming. Le roi vient. The king. Le roi. The kingdom. The king. Le royaume. Le roi. The kingdom. Le royaume. Where he will always build the kingdom of God in the church. Il veut toujours construire le royaume de Dieu dans l'église. So we are now clear. Alors, nous sommes maintenant clairs. We are very clear now. Nous sommes très clairs. And many other points, but he said there would be false prophets. Et beaucoup d'autres points. Il a dit, il va y avoir de faux prophètes. So, I have put for you the true prophets here. J'ai mis pour vous les vrais prophètes ici. That now you may be able to check the false prophets. Pour que maintenant vous soyez capable de découvrir les faux prophètes. The other thing about the true prophets, what they say must come to pass. L'autre chose à propos des vrais prophètes est ce qu'ils disent arrive. Deutéronome 18. Deutéronome 18. You can follow those and read. Vous pouvez suivre et lire. Why? Pourquoi? Man of God. Homme de Dieu. Why are you a prophet of doom? Pourquoi est-ce que vous êtes un prophète de condamnation? Why are you a prophet of doom, man of God? Pourquoi est-ce que vous êtes un prophète de condamnation, homme de Dieu? Every time you open your mouth to give a prophecy, et chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour donner une prophétie, there will be death. Il y aura de la mort. There will be earthquake. Il y aura des tremblements de terre. Flood. Des inondations. Tsunamis. What? Un tsunami. Et quoi encore? Bloodshed. Why are you a prophet of doom? Des effusions de sang. Pourquoi est-ce que vous êtes un prophète de condamnation? The prophet of bad luck. Un prophète de mauvaise chance. And I said, et j'ai dit, I am a prophet of good news. Je suis un prophète de bonnes nouvelles. Because parce que the message I bring, le message que j'apporte is a message of reconciliation. C'est le message de la réconciliation between men and God. Entre l'homme et Dieu. The message of repentance. Le message de la repentance. And let us keep the money out of it. Et laissons l'argent en dehors de ceci. Does God want to humiliate you? Est-ce que Dieu désire vous humilier? He calls you to humiliate you. Est-ce qu'il vous appelle à vous humilier? Ou l'aller en agonie in the streets? Ou dormir avec un sac dans la rue? Don't worry about those things. He will provide for you. Ne vous en faites pas à propos de ces choses. Il va pourvoir pour vous. But let us work on the kingdom. Mais travaillons sur le royaume. The kingdom. Le royaume. And you will be shocked. Et vous allez être choqués. Now let us go and see what else Jesus said would happen. Et maintenant, allons et voyons. Qu'est-ce que Jésus a dit qui voulait arriver? I told you the Olivet prophecy. Je vous ai parlé de la prophétie Olivette. This is the mother of all. If you catch this, c'est la mère de l'huile. Si vous saisissez ceci, you can go now. Vous pouvez vous en aller maintenant. You can run with it into the kingdom of God. Vous pouvez courir avec ça au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. And he says, et il dit, verse 12, le verset 12, he says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Let us stop right there. That's another point. That's another prophecy key. Parlons juste ici. C'est un autre point. Une autre prophétie. He says this. Il dit ceci. Because of increase in wickedness. Parce que l'iniquité se sera accrue. The love of most will grow cold. L'amour du plus grand nombre se refroidira. What is the love of most? Qu'est-ce que c'est l'amour du plus grand nombre? When the Lord says, the love of most. Quand le Seigneur dit l'amour du plus grand nombre, oh, when the Lord says love, Quand le Seigneur dit amour, what does the Lord mean? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Love. Amour. He means agape. Il pense agapé. When God says love, quand Dieu dit amour, he means John chapter 3, verse 16. Il pense Jean chapitre 3 verset 16. When God says love, quand Dieu dit amour, this is what he means. C'est ce qu'il pense. He means, il pense, for God so loved the world that he gave his one and only son. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. That whoever believes may not die, may not perish, but enter. Afin que ceux qui croient ne meurent pas, ne périssent pas, mais entrent eternal life. Dans la vie éternelle. That is love. Ça signifie amour. So when he says, alors, quand il dit that the love of most will grow cold, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, what does he mean? Qu'est-ce qu'il pense? Who is the love of most? Qui est l'amour du plus grand nombre?